Le petit concert de Madame de Varan, nouvelle convertie, et vivant, disait-on, des charités du roi, faisait murmurer la séquelle des votes. Mais c'était un amusement agréable pour plusieurs honnêtes gens. On ne devinerait pas qui je mets à leur tête en cette occasion. Un moine, mais un moine, homme de mérite, et même aimable, dont les infortunes m'ont dans la suite bien vivement affecté, et dont la mémoire, liée à celle de mes beaux jours, m'est encore chère. Il s'agit du père Caton, cordelier, qui, conjointement avec le comte d'Ortan, avait fait saisir à Lyon la musique du pauvre petit chat, ce qui n'est pas le plus beau trait de sa vie. Il était bachelier de Sorbonne. Il avait vécu longtemps à Paris, dans le plus grand monde, et très faufilé, surtout chez le marquis d'Entremont, alors ambassadeur de Sardaigne. C'était un grand homme, bien fait, le visage plein, les yeux à fleur de tête, des cheveux noirs qui faisaient sans affectation le crochet à côté du front. L'air à la fois noble, ouvert, modeste, se présentant simplement et bien. N'ayant ni le maintien cafard ou effronté des moines, ni l'abord cavalier d'un homme à la mode, quoiqu'il le fût, mais l'assurance d'un honnête homme qui, sans rougir de sa robe, s'honore lui-même et se sent toujours à sa place parmi les honnêtes gens. Quoique le père Caton n'eût pas beaucoup d'études pour un docteur, il en avait beaucoup pour un homme du monde, et n'étant point pressé de montrer son acquis, il le plaçait si à propos qu'il en paraissait davantage. Ayant beaucoup vécu dans la société, il s'était plus attaché aux talents agréables qu'à un solide savoir. Il avait de l'esprit, faisait des vers, parlait bien, chantait mieux, avait la voix belle, touchait l'orgue et le clavecin. Il n'en fallait pas tant pour être recherché. Aussi l'était-il. Mais cela lui fit si peu négliger les soins de son état qu'il parvint, malgré les concurrents très jaloux, à être élu définitaire de sa province, ou comme on dit, un des rangs colliers de l'ordre.